بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 33 33e leçon et qui est la dernière de ce فصل de ce chapitre qui touche à la foi en les livres. يقول المؤلف حفظ الله تعالى في السؤال الرابع والسبعين بعد المئة 174e question. إلى كم تنقسم آيات الله؟ En combien se divisent les signes d'Allah? Le mot آيات آيات en arabe, c'est le même. Mais en français, ils auront deux sens différents. Comme cela va apparaître, Inch'Allah, à travers ce que l'auteur va expliquer. Qala illa qismain ayatu kawniya wa ayat shar'iyya. Ayat kawniya, c'est-à-dire les signes universels. Et shar'iyya, ce sont les versets, en fait, du Coran. D'accord ? Donc en français, ce serait signe pour les ayat kawniya, les choses apparentes que l'on voit dans la création d'Allah, comme cela va venir. Et shari'a sont les versets du Coran. Mais en arabe, on dit aya. Les deux s'appellent aya. ثم قال في السؤال الخامس والسبعين بعد المئة 175e question. اذكر بعض آيات الله الشرعية. Cite certains versets d'Allah. D'accord, c'est l'ayat ayat la shar'iyya, c'est-à-dire les versets. قال في الجواب مثالها ايه القران التي نقراها. À l'exemple de cela, les versets du Coran que nous récitons. كقوله تعالى الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Dans le sens où il dit alif lam ra, un livre dont les versets ont été rendus clairs puis détaillés de la part d'un sage et d'un parfaitement informé. Hud, verset 1. Donc tous les versets du Coran sont des ayats shar'iyya. Ce sont des ayats shar'iyya. Thumma qala fi su'al as-sadis wa sab'in ba'd al-mi'a 176e question. Uzkur ba'd ayatillah al-kawniyya. Maintenant, cite certains signes d'Allah parmi les signes apparents universels dans la création. Qala, mathalan, al-shams, le soleil, wal-qamar, la lune, wal-nujum, les étoiles, والليل la nuit, والنهار le jour, والجبال les montagnes, والشجر les arbres, والدواب les animaux ou tout ce qui est vivant sur terre et autres. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لليل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Il dit parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour la lune, ou pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si vous êtes, si vraiment celui que vous adorez. Fussilat, détaillé, verset 37. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard, wa ma batha fihima min dabbah, wa wa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Parmi ces signes également, la création des cieux et de la terre, et tout ce qu'il y a mis comme être vivant, et s'il veut, il peut tout rassembler. S'il le veut, il est tout à fait capable de tout rassembler. Ash-Shura, consultation, verset 29. Donc ces versets-là, Allah Azza wa Jalla nous interpelle par ces deux versets. Les versets de son livre, par lesquels il nous parle, qui sont sa parole, il nous interpelle. Et ça, c'est pour ceux qui lisent dans le Coran. Et les signes universels sont ceux qui sont à la portée de tout le monde, qui sont là pour nous interpeller. D'accord ? Quand on voit toute cette création, sa perfection, son harmonie, et tout ce qui s'y trouve, la personne qui a une raison est obligée de se dire qu'il y a un créateur à cela. Contrairement à ce que veulent faire croire les athées, qui eux croient en ce qu'ils appellent l'évolution, en disant que les choses sont arrivées, on ne sait comment, et elles ont évolué, d'après eux. Et en réalité, cette évolution, bien qu'ils jouent sur les mots, c'est le hasard. Car pour eux, tout cela est venu du néant comme ça. Donc c'est du hasard. Ils appellent ça évolution. Quand on leur dit hasard, ils leur disent non, on appelle ça évolution. Tout ça, c'est un talbis. C'est pour changer les mots. C'est comme ce qu'ils appellent l'alcool, eau de vie. L'alcool, c'est de l'alcool. Tu l'appelles eau de vie, tu l'appelles comme tu veux, c'est de l'alcool. Donc, ne pas cesser d'avoir par ces termes, cette terminologie qu'ils veulent donner, ça revient à dire que tout est venu par hasard. S'il n'y a pas un créateur qui a tout créé avec harmonie et avec sagesse et avec ordre, c'est que cela est venu par hasard. Leur parole implique cela. Bien qu'ils ne veulent pas le dire, parce que ça semblait que dire que tout est venu par hasard, c'est totalement absurde. Donc, ils ont inventé leur mot « évolution ». Et ça revient exactement au même. Et même parmi eux, certains disent que ça vient de la nature. Donc eux-mêmes savent qu'il y a un côté de création, il y a une attribut de création derrière. Mais ils ne veulent pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas avoir à l'adorer. Donc ils vont dire la nature. Ils vont dire je ne sais quoi autre comme fait. Et quand tu leur dis donc ça, c'est bien une création. Il y en a, ils vont te dire oui, t'en as, ils vont bégayer, t'en as, ils vont essayer de philosopher. Donc c'est une création, c'est qu'il y a un créateur. Et de là, ils commencent à sortir leur baliverne, comme on dit. Mais au fond d'eux, ils savent très bien. D'accord? Quand on voit la perfection de la création du corps de l'homme, par exemple, comment son système auto-immunitaire, le sang qui coule dans les veines, tout ça, sans qu'on ait rien à faire, comment on respire, tout ce qui se passe, ils sont incapables de vous dire que cela, c'est l'évolution. Ce n'est pas possible. Allah al-Musta'an. طيب ثم قال في السؤال السابع والسبعين. Donc tout cela pour revenir au fait que Allah Azza wa Jalla a mis des signes universels pour nous interpeller. D'accord? Et après cela, celui qui ne connaît pas le Coran lit dedans et voit que tout cela va ensemble et que Allah lui dit de méditer sur cette création. Et si tu as reconnu que tu es un créateur, tu ne peux que l'adorer. Si tu reconnais que toute cette création vient de lui, et celui qui t'a créé toi, tu ne peux que l'adorer. Seul. Et en même temps, tu dois, si tu l'adores et tu crois ce qu'il te dit, tu dois lui accorder les attributs divins, ne pas le comparer à la créature ou à autre. Car des fois, les athées, maintenant quand on leur parle de créateur et d'Allah Azza wa Jal, ils sortent un tas de bêtises, ils vous disent je ne sais quoi, comme des personnages inventés, ils viennent avec Zeus, ils viennent avec Thor, ils viennent avec Hercule, on leur dit ça n'a rien à voir. Où est-ce que Zeus a dit qu'il crée? Nulle part la création ne lui a été attribuée. Hercule, Thor, ces gens-là, sont des gens qui ont un attribut soi-disant divin sur une chose en particulier, c'est tout. La conduite à l'Arza Ojé, tout l'attribut divin est meilleur. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez, pour dire comment ils sont absurdes, ça ne même pas où mettre les choses à leur place. Car leur but en cela, c'est juste de discréditer, pour fuir le débat, en soi. Mais comme on leur dit, Al-Mu'id, Bainana wa Bainakum yawm al-Qiyama, vous démentez, mais un jour vous saurez réellement. ويقول الله عز وجل يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا il dira oh, pauvre de moi que je n'étais poussière. Ce jour-là ils regretteront beaucoup de leurs paroles, mais il sera trop tard pour eux. Et en tout cas on pourra dire devant notre Seigneur ya Rabbi, on leur a dit, on leur a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Et vous savez, il n'y a pas besoin de parler pendant des heures avec des gens comme ça. Débattre avec eux pendant des heures, cela ne sert à rien du tout. Tu l'informes de la chose, qu'il a un créateur, qu'il doit l'adorer, qu'il doit suivre son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Si tu as dit cela clairement, cela suffit à ce que ça l'interpelle pour aller voir la suite, s'il veut en savoir plus. Mais à la base, ces points-là sont les plus importants qu'il a à savoir, qu'il reconnaisse son créateur. D'accord? Donc s'il reconnaît son créateur, il doit l'adorer. Et comment l'adorer? Il doit croire en ses messagers, en ses livres, et les pieds de la foi qu'on a cités auparavant. Tout cela, il doit y croire. Ce qui l'amène à devenir un croyant. Et s'il refuse, après, c'est lui qui rendra ses comptes, Yomel Khayyama. Souma Qalef et Souel, Essabi wa Sabin, Madelmiya. 177e question. Fi ay suratin qawlu ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-samai kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Donc, dans cette question-là, l'auteur dit dans quelle sourate se trouve le verset, n'ont-ils pas vu la chamelle comme elle a été créée, ou les cieux comme ils ont été élevés, ou aux montagnes comment elles ont été fixées, ou à la terre comment elle a été aplanie. Et ça, c'est dans Sourate Al-Rashiya. C'est le verset 18, ou plutôt 17 à 20. Ces versets-là sont très simples. Regarde un chameau. Là encore, on ne se rend pas compte de toutes les favorites qu'il y a dans le chameau, tout ce qu'il peut faire. Regardez les cieux comment ils sont. Regardez les montagnes comment elles sont fixées. Et elles aident la terre à se stabiliser. Et regardez la terre comment elle est aplanie pour nous. Tout a été fait pour qu'on puisse y vivre. Ce sont des choses simples, Allah les interpelle à cela, ils vont tellement loin, à inventer des choses, et après ils disent que nous on croit aux histoires fantastiques. On dit c'est vous qui êtes dans la fiction. Les choses elles sont devant nos yeux clairs. Elles sont devant nos yeux clairs, clairement. Un enfant tu lui dis, il va accepter. Un enfant tu lui dis ça, il va accepter tout de suite. Et même en grandissant, il va garder dans sa tête. Par contre tu lui donnes des mensonges, il va peut-être petit, il va y croire, après on va se rendre compte que ce n'est pas vrai. Mais la création, le créateur, ça on peut pas lui enlever ça de la tête. À part en venant avec des choses absurdes et en le trompant. Mais sinon, ça reste dans sa tête. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Naam. Et par rapport au verset à la terre, comment elle était aplanie, il y a eu un khilaf chez des ulama. Certains, ils ont dit qu'il y a eu unanimité, que la terre, elle est ronde. Et en réalité, il n'y a pas d'unanimité. Il y a des ulama qui voient qu'elle n'est pas ronde, qu'elle est plate. Et c'est leur avis. Et par rapport à ça, on ne peut le faire de réplique ou quoi, du fait que dans le Coran, il n'y a rien qui dise que la Terre, elle est ronde. Cela, c'est une chose qui a été découverte par la science moderne, ou plutôt, quand on dit moderne, c'est-à-dire ça fait un moment que l'homme, il le sait, mais ça a été fait par les faits, et non pas par rapport au verset du Coran, par rapport à Hadith. Il n'y a rien en cela pour dire que la personne qui dit que la Terre, elle est plate, sa aqida, elle a un problème. Elle n'a aucun problème par rapport à cela. Lui, il a pris des versets selon leur apparent, qui dit que la Terre, elle est plate. Maintenant, ce qui nous apparaît à nous, c'est qu'elle est ronde. Mais il y a des savants qui voient qu'elle est plate. Par exemple, il y a Touwejiri, Hammoud Touwejiri, il a fait un livre entier dans lequel il voit que la Terre, elle est plate. Par exemple. Maintenant, c'est leur avis. C'est leur avis. Et le musulman, en premier lieu, il se base sur les versets du Coran et la Sunna avant de regarder la science. Car nous, la seule chose par laquelle on pourra, débattre avec ces savants-là, sont des faits scientifiques. Moderne, c'est tout. Mais par rapport au Coran et la Sunna, on peut pas. C'est pas un débat qu'on peut ouvrir. Il n'y aura pas de preuve claire pour refuser cela. Par contre, une chose qui est claire, et les versets le prouvent, et les hadiths le prouvent, c'est que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. D'accord? Ça, par contre, c'est une chose qui est claire et nette. Les versets le disent bien que c'est le soleil qui se déplace. Et non pas la Terre qui tourne autour du soleil. Maintenant, est-ce que la Terre tourne sur elle-même, en même temps où elle est fixe? Ça également, il n'y a pas de preuve claire. Mais dire que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et que le soleil est fixe, ça c'est de la mécréance. Ça c'est un démenti des versets clairs. Naam. Thumma qala fi su'al al-thamin wa sab'in ba'd al-mi'a 178e question. Hal al-Qur'an arabi am ajami? Est-ce que le Coran est en arabe ou en langue non arabe? Qala fi al-jawab wa Qur'an arabi. Le Coran est en arabe. Qala ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan 'alaykum ta'qilun. Nous allons faire un Coran en arabe, en langue arabe, allez-vous, afin que vous puissiez raisonner. Az-Zukhruf, verset 3. Et regardez bien le Coran pour bien le comprendre, comme il a dit, 'alaykum ta'qilun, c'est-à-dire le but de cela c'est que vous puissiez réfléchir, c'est que la langue arabe c'est la langue la plus riche qu'il y ait. Donc des fois tu as des gens qui viennent de dire, par exemple comme c'est athée, qui viennent trouver des contradictions dans selon eux, dans les versets du Coran qu'ils ont lu en français. Du sens approximatif qu'ils ont lu en français. On lui dit, c'est peut-être la langue que tu as qui est tellement faible qu'elle ne te montre pas l'arrêté de la chose. Mais tu seras en arabe, tu verras qu'il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est arrivé une fois avec un alim. Je ne sais plus quel savant qui avait eu un débat avec un juif, ou je ne sais plus qui parmi les koufars. Et il leur a dit, dans votre livre, il n'y a pas de contradiction. Et ce chrétien ou ce juif ou ce mécréant a dit, et vous aussi dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Il fait, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Si j'en ai lu, j'en ai trouvé. Je suis en quelle langue tu as lu le Coran? En quelle langue tu l'as lu? Il a dit, dans ma langue. C'est-à-dire, c'était pas en arabe. Il a fait, dans ta langue, tu vas en trouver, mais en arabe, il n'y en a pas. Donc déjà, apprends la langue arabe pour pouvoir parler sur le Coran. Si tu veux parler sur le Coran, débattre sur le Coran, viens avec la langue arabe. Sans langue arabe, tu vas pas aller loin. Tu ne pourras pas. Là, c'est un rappel pour les frères et les sœurs que le Coran, la récompense à avoir ce qu'on appelle le réciter, et ce qu'on appelle le ta'abou dans le lisant, c'est en langue arabe. Quitte à ne pas comprendre l'essence, mais au moins apprendre les lettres, à décrypter les lettres hija'iyya, pour apprendre à le lire. Sans quoi le lire, le sens approximatif en langue non arabe, comme en français, comme l'anglais, l'allemand, l'italien ou quoi, par rapport à ça, t'as pas la récompense de chaque lettre prononcée. Et ce n'est pas un ta'aboud. Et on fait pas la salat avec le Coran en français, par exemple. Et d'ailleurs, je dirais même le Coran, lorsqu'il est en français, on n'appelle pas le Coran. Ça s'appelle pas le Coran. Le Coran, il est en arabe. Ce qui est en autre que la langue arabe, ça s'appelle une traduction relative des sens et rapprochée. Ce n'est pas le Coran. Le Coran, il est que en arabe. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien assimiler. Souvent, au début, les gens disent, je lis du Coran, tu regardes, il a un mushaf dans les mains, et il écrit en français. Il dit, c'est pas le Coran que tu lis là. L'autre, il est en anglais. Tu dis, c'est pas le Coran que tu es en train de lire là. Ce que tu es en train de dire, c'est pas la parole d'Allah que tu es en train de dire. La parole d'Allah, elle est en arabe. Elle n'est pas en langue arjamiya. Donc faire des efforts, d'accord, pour apprendre la langue arabe et en premier lieu déjà, au minimum, apprendre à décrypter ses lettres et pouvoir lire le Coran et en tirer la récompense. Après, rien n'empêche de lire le verset en arabe et après regarder en français le sens à quoi il appelle. Ça, c'est toujours une faïda. On ne dit pas que ça sert à rien du tout. Là, on parle du côté ta'abboud, d'adoration. D'accord? Adam. Donc là, c'est le dernier par rapport au Kutub, l'imam du Kutub, ou à Bihad al-Qadna Ktafi, ou alhamdulillah, l'Allah bin al-Amin.